on n'avait pas envie de demander d'aide au message de ces imaginaires de cire avaient pour l'occasion des projets parfaits par les clients de la famille refusant son mensonge en objet de fierté. Ces imaginaires de cire avaient pour l'occasion des projets parfaits par les clients de la famille affichant son prestige en objet de fierté. Je n'ai jamais pu faire ce masque, cette enveloppe que j'eusse aimé porter comme une banderole, comme le pavillon noir d'un navire interlope. Je ne garde de toi que de vagues breloques et les conserve pourtant comme on couve un trésor. Je t'attise, te convoque dans de longs soliloques, répétant ton secret pour que tu vives encore. Alors que ces imaginaires servaient pour l'habitude d'être juste ressemblant au visage qu'ils représentaient, concrets et réalistes à en être troublants. La tentation était trop grande de travailler la cire pour leur lisser les traits et gommer ainsi la justesse d'un caractère complexe pour le rendre plus abstrait. Ces imaginaires de cire étaient à l'occasion des crochets portés par les clients de la famille affichant son fierté. L'avantage des morts, c'est qu'on peut leur faire dire tout et n'importe quoi, les trahir, les flouer. L'apanage des morts, c'est de ne pas souffrir ou d'être décloué, que ma recherche de ton masque trouve enfin son repos. Il est là, malgré moi, avec toutes ses bouclettes. Je l'ai donc toujours, il me collant à la peau, comme on cherche un chapeau que l'on a sur la tête.